Comme chaque soir, il y avait beaucoup d'animation dans les rues d'Albi. Assise dans le salon de thé La Berbie, Pascal s'offrait une pause après sa journée d'hôpital, observant les badauds de la place Sainte-Cécile. Son père était parti 2 jours plus tôt, mais elle savait qu'il reviendrait à Pérol pour la voir, puisqu'il ne subsistait plus aucune ombre entre eux. Durant presque tout le week-end, ils avaient parlé, arpenté le parc, médité ensemble. Le dimanche, Henri avait appelé lui-même l'estrade, qui était passée en fin de matinée. Non sans mal, ils étaient parvenus tous trois à un accord qui prévoyait la suppression des plates-bandes, remplacées par du gazon, et la plantation d'arbustes variés à la place des massifs. Seuls les somptueux rosiers seraient épargnés en raison de leur facilité d'entretien. D'abord éberlué, le jardinier avait finalement paru soulagé. Si toutefois il avait su ce qu'il faisait exactement avec les fleurs, il s'était abstenu de le dire, se bornant à des questions techniques. Henri lui avait alors signé un chèque conséquent, précisant que ce serait son dernier travail à Pérol. Bien entendu, l'estrade n'avait pas pu s'empêcher de déclarer qu'il viendrait donner gracieusement un coup de main pour la taille des rosiers. À présent, Pascal se sentait mieux. En l'espace d'une année, elle avait l'impression d'avoir effectué un véritable parcours initiatique dont elle sortait un peu différente, en tout cas mûrie et surtout apaisée. Elle avait fait ce qu'elle croyait devoir faire, ce qu'elle estimait juste. Elle était d'accord avec elle-même. Devant la cathédrale, des touristes prenaient des photos, consultaient des guides, renversaient la tête en arrière pour admirer le baldaquin au-dessus du porche. Avec un petit effort de mémoire, Pascal pouvait se revoir enfant sur cette même place, ou bien le long des ruelles de la vieille ville, en train de suivre sa mère d'un magasin à l'autre. Elle aimait Albi, était heureuse d'y travailler, d'y projeter son avenir. Et Laurent lui avait offert un immense cadeau en facilitant sa mutation. Laurent. Quand elle pensait à lui, elle éprouvait une tristesse diffuse, un sentiment pénible de regret, mais elle ne pouvait rien changer, ni effacer leur rencontre, ni oublier tout ce qu'il avait fait pour elle. Sa tasse était vide, la théière aussi. Dans l'assiette de fine porcelaine ne subsistaient que quelques miettes de la succulente pâtisserie qu'elle venait de dévorer. Accaparée par ses malades, elle n'avait pas pris le temps de déjeuner et elle hésita à commander autre chose. « Arrête de te donner un délai. Prends ton courage à deux mains et vas-y. » La décision n'avait pas été facile. Pourtant, ce matin, en se réveillant, son choix lui avait semblé non seulement évident, mais urgent. Elle posa un billet sur la table, quitta La Berbie et alla récupérer sa voiture. De son portable, elle appela Aurore pour la prévenir qu'elle rentrerait sans doute très tard, peut-être pas du tout. Puis elle prit la route de Toulouse. Annoncer sa visite lui paraissait trop compliqué. Elle préférait s'expliquer de vive voix, à condition de ne pas trouver porte close. Si c'était le cas, elle attendrait. Mais elle pouvait aussi très mal tomber, une éventualité à laquelle elle n'avait même pas songé et qui faillit lui faire demi-tour. Pourquoi crois-tu qu'il sera ravi? Que tu seras forcément la bienvenue? Il pourrait très bien t'en vouloir, ou avoir tourné la page, ou n'importe quoi d'autre. La nuit vint tandis qu'elle filait sur l'autoroute, et il était presque 9 heures lorsqu'elle atteignit les faubourgs de Toulouse. De plus en plus impatiente, elle mit encore un certain temps à se rendre à destination, puis perdit un bon quart d'heure à chercher une place. Enfin garée, elle voulut réfléchir une dernière fois, constata finalement qu'elle n'était pas en état de le faire, et sortit de sa voiture. Une minute plus tard, elle se retrouva devant une maison inconnue. C'était la bonne adresse, il y avait de la lumière aux fenêtres. Elle appuya d'un geste résolu sur le bouton de la sonnette. « Ne te comporte pas comme une enfant. Parle-lui calmement, essaie de t'expliquer en reprenant les choses du début et surtout ne... « Pascal !» s'exclama Samuel en ouvrant la porte. « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Il la considérait avec stupeur, mais ne semblait pas contrarié de la découvrir sur le seuil. « Entre et ne fais pas attention au désordre. Tu n'es jamais venu chez moi, je crois. Tu vas voir, c'est sans prétention. » Avec une curiosité qui l'étonna elle-même, Pascal détailla la grande pièce à vivre, constituant tout le rez-de-chaussée de la maison. Dans la cheminée moderne au foyer fermé par une vitre, un feu était allumé, inutile à cette saison, donc sans doute destiné à mettre un peu de gaieté. Car tout était d'une déconcertante froideur. Murs blancs, baies vitrées, carrelage gris clair, comptoir de cuivre pour séparer la cuisine du séjour. « Tu te plais ici ?» Elle se mordit les lèvres, navrée d'avoir posé une question qui pouvait passer pour très ironique. « Non, mais j'y suis si peu. Entre l'hôpital et l'aéroclub, je ne reste jamais chez moi. Et puis tout le monde ne peut pas avoir un Pérol, ou même l'hôtel particulier de Laurent. Tu es en visite chez un simple mortel, ma chérie. » Je trouve ça bien, protesta-t-elle. Très fonctionnel, sûrement. Mais je ne me souvenais pas que tu... Il ne s'agit pas de mes goûts. Quand je suis arrivée à Toulouse, il fallait que je me loge vite, et j'ai acheté cette maison parce qu'elle ne risquait pas de me rappeler notre appartement de la rue de Vaugirard. On ne l'aimait pas, ni l'un ni l'autre. Nous y avions été heureux, moi en tout cas, et je ne voulais même pas m'en souvenir. Bon, si tu me disais ce qui t'amène. Désemparée, elle chercha par où commencer tandis qu'il l'observait en silence. C'est la visite de ton père ? S'enquit-il. Tu as envie de m'en parler ? Je l'ai vu à Blagnac l'autre jour, on a pris un café ensemble, et il m'a laissé entendre qu'il avait des confidences à te faire, pas forcément agréables. Comme toujours, il essayait de l'aider, de lui faciliter la tâche, même si pour une fois il était en train de se tromper. Néanmoins, elle se sentit obligée de lui répondre. « Papa t'adore, mais il n'aurait pas dû te demander de veiller sur moi. Il avait des choses à m'avouer, oui, et il l'a fait sans ménagement. Pour te résumer l'histoire, c'est lui qui a contraint maman à abandonner Julia. Henri ? Non. Il ne voulait pas se charger d'une enfant handicapée. Elle le révélait uniquement parce qu'elle était certaine de l'affection qui liait Sam et son père. « J'ai du mal à le croire, » insista-t-il. « Je te raconterai tout en détail, et je pense que tu comprendras. En ce qui me concerne, j'ai accepté. »« Toi ? L'intransigeante Pascal ? C'est mon père, Sam. Je l'aime. » Il la dévisagea, esquissa un sourire. De toute façon, quoi qu'il ait pu faire, Henri est un type bien. Attendrie par cette solidarité d'homme, elle lui rendit son sourire au lieu de protester. Puis elle prit une grande inspiration et lâcha. « Mais je ne suis pas venue pour ça, Sam. Il y a autre chose. »« Quand tu fais cette tête-là, je m'inquiète, » plaisanta-t-il. « Allons nous asseoir, on va boire un verre. » Sans la laisser parler, il la précéda vers le comptoir, lui désigna un haut tabouret. « Tu veux du champagne ? Ce sera ça ou de la bière. »« Champagne, alors. » Lui tournant le dos, il ouvrit son réfrigérateur. « Tu as quelque chose à fêter, ma chérie ?» Il l'avait demandé d'une drôle de voix qui sonnait faux. Était-il embarrassé par sa présence ? Devinait-il ce qu'elle mourait d'envie de lui dire ? Et refusait-il de l'entendre ? Ne sachant quelle attitude adopter, elle le regarda déboucher la bouteille de Roderer, emplir de verre. Elle aimait ses mains puissantes, sa carrure massive, sa stature rassurante. Dans ses bras, elle s'était toujours sentie à sa place. « Samuel, » souffla-t-elle. « Oh là là, mon prénom en entier ? Écoute, j'ignore ce que tu vas m'annoncer, mais attends 5 minutes. Laisse-moi porter un toast d'abord. » Il se pencha au-dessus du comptoir pour trinquer avec elle, puis se recula aussitôt. « À ton bonheur, » dit-il gentiment. « Eh bien, je... Tais-toi et bois. » En silence, ils sirotèrent quelques gorgées. « Tiens, suis-moi, je te fais visiter le reste de la maison. » Avec un enthousiasme un peu artificiel, il la précéda vers l'escalier de bois clair. Au premier, le palier carré desservait 2 chambres, une salle de bain et une petite pièce pleine de placards où trônait une table à repasser. Marianne avait la manie de se jeter sur mes chemises dès qu'elle mettait les pieds ici. « Ça m'exaspérait, » fit-il en riant. « C'était plutôt gentil. » « Non, elle voulait se rendre indispensable, or je sais très bien me servir d'un fer. » Il en parlait au passé comme d'une affaire réglée, et Pascal en fut soulagé. Elle s'arrêta sur le seuil de la chambre de Sam pour y jeter un coup d'œil. Le lit était fait avec une couette à motifs japonais, quelques vêtements traînaient sur un fauteuil, des piles de livres et des magazines encombraient les tables de chevet. Un décor de célibataire, sans trace de présence féminine, hormis une photo d'elle, en noir et blanc, qui datait de leur mariage et qu'il avait toujours adoré. « Tu laisses ça dans ta chambre ? » railla-t-elle. « Pas très sympa pour tes conquêtes. Quand je ramène une femme chez moi, je te range dans un tiroir. » Traversant la pièce, il prit le cadre sur la commode et le retourna. « Je suis très sentimentale, comme tu sais. » « Bon, tu as tout vu ? On descend, le champagne va tiédir. » « Attends, Sam, faut que je te parle. » Son cœur se mit à battre plus vite et elle lança d'une traite. « Tu auras peut-être du mal à le comprendre, mais j'ai beaucoup réfléchi. Et ma vie ne me satisfait pas telle qu'elle est. » Je me suis aperçue qu'il me manquait l'essentiel. C'est-à-dire, tu vas te marier avec Laurent, trancha-t-il. C'est ce que tu n'oses pas m'annoncer. Coupée dans son élan, elle resta une seconde sans réaction. Je ne peux pas te donner tort, chérie. Même ton père doit approuver ce choix, non? Laurent n'a pratiquement que des qualités, Et vous irez très bien ensemble. En fait, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête le jour où je te l'ai présenté. C'était plutôt suicidaire, parce que je n'avais pas du tout envie de te voir tomber amoureuse d'un autre homme. Bien entendu, il t'a plu. Il a vraiment ce qu'il faut pour séduire, c'était couru d'avance. Et ne me demande pas ce qu'il en pense, lui. Tu es assez grande pour te rendre compte qu'il est fou de toi. Épouse-le les yeux fermés. En parlant, il s'était adossé au mur, à l'autre bout de la chambre, et regardait Pascal avec une expression indéchiffrable. « Je ne veux pas épouser Laurent, Sam. La dernière fois que j'ai dîné avec lui, je suis rentrée à Pérol juste après, et je ne l'ai pas revu depuis. » Fronçant les sourcils, il pencha la tête de côté, perplexe. « Pourquoi ?»« À cause de toi. »« De moi ?»« Je n'avais pas envie de rester, et il a dit « C'est à cause de Samuel. » Sur le coup, j'ai trouvé ça idiot. Mais après, en y repensant, j'ai su que c'était vrai. Que... tu me manques, Sam. Ses joues étaient chaudes. Elle avait dû rougir. Cependant, elle s'obligea à soutenir le regard de Samuel qui la vrillait. « Je te manque ? » répéta-t-il d'une voix incrédule. Il ne souriait pas, n'approchait pas. Elle s'était imaginé qu'il suffirait d'avouer et il ouvrirait les bras. Mais il restait figé contre son mur. De leur prétendue amitié, ne subsistait apparemment rien, tandis qu'ils continuaient à s'observer en silence de part et d'autre du lit. Elle se souvint de leur première dispute, des années auparavant, de cette même attitude hostile mutuelle qui les avait conduits jusqu'au divorce. « Je n'aurais jamais dû te quitter, Sam. J'ai mis longtemps à admettre que je m'étais trompée et que personne ne pourra te remplacer. C'est peut-être trop tard pour te le dire aujourd'hui, mais c'est toi que j'aime. » Cette fois, il bougea, la rejoignit en deux enjambées et la prit par les épaules un peu rudement. « Tu m'aimes encore ? Et tu prétendais le contraire, tu ?» Pour le faire taire, elle l'embrassa, ce qui provoqua immédiatement une flambée de désir entre eux. « Tu ne le regretteras pas, tu en es sûr ?» chuchota-t-il en lui enlevant son pull. Tandis qu'il dégrafait son soutien-gorge, elle en profita pour ouvrir les boutons de sa chemise et ils se retrouvèrent peau contre peau. « J'ai envie de toi, Sam. » Une envie joyeuse, guerrière, qu'elle pouvait enfin exprimer sans retenue.